Coucou tout le monde, vous êtes sur Splash Web Radio, il est 21h et bienvenue dans YOLO Records. Et je peux vous le dire, ce soir, comme dirait Michael Jackson, this is it. C'est le soir. Ce soir, enfin, après pas beaucoup d'épisodes d'attente au final. Mais quand même, on va enfin parler de Five Nights at Freddy's. Oh yeah. Non, toujours pas. Ah, merde, je vais jamais réussir à faire une bonne entrée en matière. Non, Casse les non. couilles. Bon, eh Non, bien, c'est écoute. un... Non, non, du coup, pas de Five Nights at Freddy, mais vous êtes toujours avec moi, votre serviteur, Puck, et mon fidèle acolyte, mon Watson, attitré, qui pourtant est plus Sherlock que Watson. J'ai l'honneur de vous présenter Venom. Espèce d'enfoiré. C'est toi l'acolyte, salaud. Je sais, mais C'est toi bon. l'alcoolique. Ah non. Enfin, je crois que non. Non. Bah c'est toi qui picole, hein, pas moi. Mais Occasionnellement, pour les grandes occasions, je sais pas, quand on est samedi, quand on est dimanche, quand c'est pas lundi, quand on est bientôt proche du week-end. voilà. Quand après Toujours. 17h. Voilà, parce qu'avant, avant il fait trop chaud. Voilà. Et donc bonsoir à tous. Hello everybody. Et donc non, on va pas parler de Five Nights at Freddy's, on va Toujours parler de pas. mieux. De mieux que Five Nights at Freddy's? De mieux que Five Nights at Freddy's. Mon petit Puck, qu'est-ce qui s'est déroulé du 15 au 17 juin cette année? C'était pas le début des soldes? Si, voilà, on va parler des soldes. Exactement. Et on va vous dire quel gloss acheter. Voilà, quelle mini-jupe porter cet été sur les plages du Sud, tout à fait. Voilà. Quel short porter pour que vous puissiez vous faire doigter sans que personne ne le remarque. Exactement, quelle combine utiliser au cinéma de plein air pour pouvoir faire l'amour sans se faire griller? Voilà. Magnifique. Non, non, non, plus sérieusement, il me semble que c'était le 3, si je ne m'abuse. Eh oui, c'était le 3. Ah, c'était pas du 15 au 17, mais les conférences, c'était du 15 au 17. Et on va parler des conférences aujourd'hui. On va y revenir. Bon, là, on doit être au mois de septembre, peut-être même octobre. Plus octobre-novembre en Plus réalité. octobre-novembre, voilà. Donc, comme nous, on enregistre ça, il est quoi, des juillet, les fin juillet, enfin mi-juillet. C'est pas encore trop loin pour nous, mais au vu des dates annoncées de sortie, ça colle. Oui, voilà, c'est ça. C'est Il ça. n'aurait pas fallu faire plus tard. Parce qu'on l'aurait Voilà. fait, mettons, en mars 2016. Enfin, cet épisode-là aurait été diffusé en mars 2016. Là, On n'aurait pas eu l'air effectivement. con, effectivement. Oui, bah là, c'est. Oui, là, on aurait été trop loin dans le passé, là, dans le futur, dans le présent. Dans le Trop loin. turfu. Dans le turfu, c'est ça. Voilà. Et donc on va commencer, mais on va essayer de les faire dans l'ordre. Alors je me souviens plus exactement dans quelle ordre elles étaient faites, donc si on se trompe à un moment, qu'on parle d'une conférence avant une autre, en gros on n'en a rien à foutre. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les jeux. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le jeu. On va commencer donc par la première conférence, la conférence Bethesda. C'était leur premier passage en réalité à l'E3, dans une vraie conférence. Ils ont plus mis l'accent, alors contrairement à d'autres, dont on parlera tout à l'heure, ils ont plus mis l'accent sur le jeu que sur le show. Oui, mais ça Ce se qui... ressent dans leur jeu, hein. Ils sont plus jeu que spectacle. Voilà, c'est ça, on a eu quand même des gros, gros, gros, gros trailers, des grosses vidéos de gameplay assez énormes, et des grosses annonces, hein, bien entendu. On a plus eu ça qu'à la conférence, bah, par exemple, dont on parlera plus tout à l'heure, Ubisoft. Ubisoft qui était un véritable show sans réelles annonces. Non, Sans un non, truc mais y a pas vraiment. eu. On verra, mais de ce que moi j'ai pu voir, j'ai pas souvenir qu'il y ait vraiment de. Y a quand même des bonnes annonces. Pour Qui. Bethesda? Ah, Bethesda, c'était une demi-surprise. Bethesda, il y a eu de la demi-surprise, il y a eu un soi-disant fail, moi j'y crois pas une seule seconde, on en parlait juste avant hors antenne. Pour moi, le soi-disant leak de Dishonored la veille, c'était complètement voulu, quoi. Oui, maintenant c'est devenu une mode maintenant. En fait, ça c'est con parce qu'ils se tuent eux-mêmes avant l'E3. ou pendant l'E3, hein, comme ça a été le cas. Mais maintenant, c'est le fameux Link. C'est-à-dire que normalement, c'était des fuites chopées par, enfin, lâchées par des employés ou chopées par des journalistes. Maintenant, c'est clairement voulu que c'est les éditeurs qui balancent ces trucs et qui font croire, oh, bah, on ne savait pas, oh, quelle surprise. Voilà, c'est ça. Si je Mais voulais quand. vraiment qu'il n'y ait pas de fuite, il y a eu des très bons exemples de jeux qui n'ont pas fuité, Exactement. que ce soit chez Ubisoft ou chez Sony. Donc, à ce moment-là, si les mecs veulent vraiment. Enfin, voilà, un des trucs qui a le plus fait un boom chez Sony n'a absolument pas fuité, alors que c'est le genre de truc qui Alors, aurait dû fuiter, quoi. c'est ça, et surtout qu'une bonne fuite, c'est une fuite qui n'annonce rien de sûr. Voilà. Alors maintenant, tous les ans, on a une fuite qui est, on a le gameplay, on a le trailer, on a les images in-game, on a même la date de sortie, et c'est une fuite. Voilà. Si c'était de l'eau, il n'y aurait plus de maison. C'est ça, le fameux. Ah là là, j'ai travaillé sur un trailer pour Fallout 4. Lol. Fais-moi croire que c'est vraiment une fuite. Enfin bref. Bethesda, du coup, qui a commencé sa conférence avec une vidéo de plus de 20 minutes. Je crois qu'il y a eu sur Doom 4. Oui, Les vidéos gameplay sur Doom 4. Doom 4 qui n'a pas fait parler de lui dans l'année en fait. Il n'y a pas eu de réel. Non, pas du tout, oui. C'était une discussion entre, on va dire, entre amateurs, entre fans de cette saga-là qui pensaient que finalement Doom 3 était un peu la fin de tout et qu'il y aura peut-être autre chose, mais pas forcément un Doom. Et là, surprise, Doom 4. Bon, faut être amateur de ce genre de jeu pour vraiment kiffer l'annonce, mais c'est une bonne annonce en soi. Alors moi je suis pas spécialement amateur de Doom. Par contre, je regardais la conférence. J'étais en mode oh, parce que c'était tellement brutal, ça avait l'air Mais tellement bien. ça reste un Doom en fait. C'est-à-dire que Doom, depuis le début, ça a évolué graphiquement. Mais l'ambiance et l'univers, ils sont fidèles en fait à la série. C'est-à-dire qu'ils profitent des avancées technologiques sans non plus rajouter ou enlever des choses. Enfin, Bah même c'est. si j'ai trouvé que ça le faisait. Enfin oui, en même temps j'allais dire ça fait un peu plus à la Resident Evil où t'as plus tant de d'ambiance pour plus faire un. Pour plus faire un truc genre shooter très violent. Mais Doom, c'est c'est un vrai que shooter. Doom a pas eu même les tout premiers, c'était pas extrêmement. Voilà, c'était vraiment du shooter de base, quoi. C'était du shooter. Après le 3, il y avait un peu plus, ils ont mis un peu plus l'accent sur l'angoisse, enfin sur la. Ils ont essayé tout du moins de mettre un Oui. peu plus sur la peur, mais ça reste un shooter et ça reste. Voilà, Doom, ça fait partie des jeux classiques, des cultes. Oui, c'est ça. Et voilà, je pense que. Après, il faut voir ce que ça va donner le 4. Je suis pas spécialement. J'aime bien parce que voilà, le 3, je trouvais ça sympa. C'est un pote qui m'a fait du coup, je trouvais ça sympa. Après, le 1 et le 2, je suis pas plus fan que ça. Parce que c'est pas. Enfin, C'est visuellement, c'est pas mon spécial. style. Voilà, Voilà. c'est pas mon style de jeu. Puis c'est. Voilà, c'est Doom, tout ce qui va être Doom, Shadow Warrior, Duke Nukem. Ce genre de style visuel, en fait, moi, ça me fout la gerbe. Parce que ça va très vite. Oui. Et au bout d'un moment, moi, ça me file le tournis, quoi. C'est bien monté, mais j'ai facilement la nausée devant, quoi. C'est ça, j'ai le même problème avec Oblivion, le speedrun, où ils augmentent leur vitesse de 500%, où ça devient très. C'est Duke Nukem 3D sous Extra, quoi. Ouais, c'est Donc il y ça. a un moment où tu regardes, tu fais oh, je reviens, je vais vomir. C'est des mouvements de caméra qui sont très très rapides. Et donc assez vomitif. Et le 3, c'est vrai que les mouvements de caméra sont quand même aussi assez rapides. Et donc du coup, en fait, si on joue lentement, le problème, c'est qu'on a de fortes chances de se faire péter la gueule, parce que c'est un jeu qui va vite. En tout cas, dans les séquences d'action. Après, si on veut suivre le mouvement, bon voilà, faut avoir un sac à vomi sous la tête, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et j'ai vu les images du 4, et voilà, ça va rester fidèle à la série. Mais c'est vrai que si on n'est pas adepte, enfin si on n'est pas. C'est même pas une question d'être adepte, si on est sensible. Au niveau des intestins par rapport à ce type de jeu, c'est vrai que le 4, voilà, hein. C'est clairement pas ça, voilà. Pour savoir si le jeu garde le même état d'esprit, il faut savoir si à chaque fois qu'on voit une vidéo de gameplay, on a envie de gerber. C'est-à-dire que si on a envie de gerber, c'est que voilà, c'est bien C'est ça, c'est. le jeu ne change pas. Donc, C'est non, exactement ça. c'est une bonne surprise pour les amateurs, c'est une bonne surprise. c'est pas une... c'est un peu du comment dire du fanboy quoi. Ah oui, complètement. Donc Complètement, beaucoup de fanservice, quoi. D'ailleurs, en parlant de fanservice, ils ont annoncé Dishonored 2. est-ce qu'on rentre dans le cadre du fanservice? Dishonored 2 avec l'annonce d'un nouveau personnage jouable qui semble. Être Alors, une il y a femme. plein. Alors, c'est pas une femme, c'est pas du tout ça que je veux dire. Parce qu'il y a, en plus, y a un trailer hein, Oui, qui... mais justement, laisse-moi finir, s'il te plaît. Trailer qui nous montre donc une jeune fille qui semble être Emily. Donc Emily qui était la gamine qu'on voyait au départ de Dishonored, la Celle fille qu'on doit sauver de... au final. Voilà. Il semblerait que ce soit elle. Alors après, il y a beaucoup de comment de gens qui vont vous dire ah oui, mais c'est ça, mais on l'a vu, mais non. On ne sait pas si c'est ça. C'est une possibilité. Voilà, c'est une possibilité, Au mais on vu sait pas du 1 et si... de comment ça se finit, c'est une possibilité qui s'offre. Surtout qu'il y a des, effectivement, physiquement, on retrouve des. Enfin, ça parle, c'est parlant physiquement. C'est vrai qu'on peut se dire, tiens, effectivement, plus vieille, je l'aurais imaginé comme ça. Ça reste une possibilité. Après, ça se trouve, ça, c'est un autre Ça n'a rien à personnage. voir, voilà, exactement. Mais c'est vrai que dans la conti... ça choquerait pas, en tout cas, dans la continuité. Voilà. Et donc avec aussi le fait qu'on pourra peut-être jouer Corvo. Donc le héros du premier serait très bien. Qui aurait l'ajout aussi de nouveaux pouvoirs, au vu Voilà, du. plein de nouveaux pouvoirs, plein de trucs. Après, bon, ils ont annoncé la Definitive Edition de Dishonored pour PS4, Xbox One, ça, on s'en fout. Ils ont annoncé aussi... Alors moi, quand j'ai vu le début The Elder Scrolls apparaître, je suis devenu fou. Immédiatement, j'étais en mode... En mode... Parce que voilà, je m'attendais à un Elder Scrolls 6, quoi. Ouais. Et en fait, non, ils ont annoncé un jeu de cartes, The Elder Scrolls Legends. Bon, ça m'étonne pas trop parce que, bon, Bethesda, ils font des gros jeux. Mais en fait, ils ont un peu, moi, ce que j'appelle le syndrome Luc Besson. C'est-à-dire C'est-à-dire. ils font des petits jeux. Ils font des petits jeux qu'ils financent. Ils font des gros jeux qu'ils financent grâce à des petits jeux. Oui. C'est-à-dire que voilà, là, le Elder Scrolls Legend va peut-être servir à financer un Elder Scrolls 6. Ce qui serait pas plus mal en soi. Enfin, Ce qui serait pas c'est. plus mal en soi, en soi, d'accord. Après voilà, ils ont les petits jeux qu'ils font ne sont pas non plus, voilà, ils sont pas non plus dégueulasses. Bon, il y en a Voilà, certains, c'est. là c'est clairement pour surfer sur la vague de Hearthstone et trucs Et comme ça. compagnie, voilà. Bah, de toute façon, depuis Hearthstone, le jeu de cartes est devenu. Magic avait fait d'entrée en matière. Parce qu'il y a des jeux de cartes Magic qu'on peut jouer sur console ou Oui, sur oui. PC. Bah Et... même bien avant, il y avait les jeux de cartes Yu-Gi-Oh! Hein, sur console et PC, qui sont passés plutôt inaperçus, puisque... Voilà, c'est parce que on va dire, c'est Magic qui a démocratisé le truc. Voilà. Parce qu'ils se sont fait Ah, entendre sur. Magic est bien. Magic est venu bien avant, mais je crois qu'il y a eu des jeux vidéo Yu-Gi-Oh! Bien avant les jeux Ah bah, de toute de façon, Magic. mais voilà, Hearthstone, ça a été le Et truc. voilà, Hearthstone, c'est le truc, et c'est C'est le truc, le... il suffit déjà de voir, c'est con, hein, mais il faut voir la quantité de jeux sur smartphone maintenant qui sortent et qui sont des jeux de cartes. Grandement inspiré d'Hearthstone et autres. De toute façon, tu suis la vague. Et par rapport à Bethesda, donc en plus de ça, ils ont sorti sur smartphone. Fallout Shelter, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, et ça, je comptais y venir. Voilà, qui consiste à construire son abri, à le gérer, tout ça, Voilà, c'est un avec la sim. possibilité d'achat in-game pour avancer plus vite, Voilà, pour c'est le débloquer des choses. Sims-like. Donc, qui est pas. Qui en soi est. Enfin, ce jeu-là, ce que je l'ai essayé, il est sympa, pour faire un petit aparté. Le souci étant quand ça devient mou très rapidement. J'y ai pas joué. J'ai pas pu y Ah, jouer. c'est en fait moi je m'attendais vraiment à un truc genre bon t'as de l'achat in game pour progresser mais en soi t'as quand même t'as un rythme honnêtement après avoir passé le didacticiel et tout ça c'est mou ça n'avance plus du tout c'est-à-dire qu'il en 2 semaines de temps il va peut-être rien se passer on va peut-être rien gagner enfin c'est La gestion est enfin, super chiante, ça avance vraiment pas. Donc ça c'est dommage parce qu'il tombe finalement dans ce type de jeu-là qu'on trouve partout sur smartphone. Et voilà, ou pareil, au début du jeu, on avance bien, on découvre plein de choses, et une fois qu'on a tout découvert, bah, le rythme, paf, ça va d'un coup, et si t'achètes pas une game, t'avances plus. Quand c'est Voilà. long, et c'est ça le problème. Bon, après, voilà, après c'est du fan service, quoi. T'as ça, tu vois, ah, j'aime bien Fallout, j'aime bien Bethesda. Bon, Voilà, c'est c'est ça, clairement un c'est système de fan clairement, il service. joue, voilà. Le Elder Scrolls Legend, ça va être un principe, je pense, beaucoup de fan service. Ouais, c'est ça. Mais après, voilà, si c'est pour aboutir sur Elder Scrolls 6, c'est pour la bonne cause. Voilà, sachant que Fallout Shelter sert à attendre, entre guillemets, Base de jeu. The jeu qui avait été officiellement annoncé avant, mais qui a été entre guillemets véritablement Qui a été plus qu'officialisé à l'E3. Finalement, quand tu vois un jeu à l'E3, c'est qu'il est la plupart du temps, pas tout le temps, parce qu'il y en a certains qui ont été annoncés, qui n'ont jamais vu le jour. voilà. Mais généralement, quand un jeu est annoncé avant et qu'il te lâche tout ce qui est teaser, information, Gameplay, tout ça. gameplay, c'est que voilà, c'est l'annonce officielle. C'est vrai que après Fallout, le dernier c'était New Vegas, si je dis pas de bêtises. Oui, le dernier, ça a Voilà. été New Vegas il y a 6 ans. Voilà, après ça, il y a une espèce. Autour, en tout cas, de Fallout, ça a été un creux. Voilà, et Puis. les gens attendaient, ils attendaient. Puis, il y a commencé à avoir des espèces de petits trucs lâchés par Bethesda qui pouvaient faire penser déjà un nouveau jeu. Un nouveau gros jeu, tout du moins. Puis, ça a été orienté vers Fallout. Puis, enfin, bah voilà, ça a été l'annonce de Fallout 4 Voilà et ça a l'annonce de été. Fallout 4 en live avec un petit trailer qui nous a tous fait. Enfin, je connais pas une seule personne qui n'a pas. Enfin, si, j'en connais, mais c'est des cons qui n'ont pas taché leur caleçon en voyant le trailer, le tout premier trailer de Fallout 4, quoi. Tout le monde, ça a été l'explosion dans tous les pantalons du monde entier. Ah bah Fallout, voilà, c'est avec Elder Scrolls, c'est la grosse licence de Bethesda. Et comme en plus, c'est bien ce que je voyais, tu as posté sur Facebook un truc qui Oui, m'a et interpellé. justement, je comptais en parler maintenant. C'est que graphiquement, c'est clair que quand on s'attarde sur les graphismes, il est un peu loin de ce qui a été présenté par d'autres éditeurs. Bah, même Même sans être présenté, il est loin de ce qui est sorti, c'est-à-dire que il est quand de ce qui même voilà, loin ce qui de est déjà Batman sorti. Arkham Knight. C'est ça, de ce qui est déjà sorti, de ce qui a déjà été vu et de ce qui est déjà possible de faire sur ces consoles. On se dit, Voilà. mais quand tu regardes les Fallout, c'est pas spécialement beau. Enfin, graphiquement parlant, parce que visuellement, l'univers est extraordinaire. Graphiquement parlant, c'est pas. Même sur les Elder Scrolls, hein. Voilà, c'est beau, mais c'est pas extrêmement beau non plus. En fait, C'est. ils mettent l'accent plus sur le gameplay et ce qu'on peut faire dans le jeu. Bah, ouais, le game system et le scénario, parce qu'à chaque fois, Voilà. voilà, c'est vrai que c'est relativement immersif, c'est deux univers différents, parce que tu peux pas faire de comparatif Fallout, enfin, si tu peux, mais c'est Bah, tu deux peux, sachant que c'est le même, en gros, c'est Fallout le même système 3. de quêtes. Oui, et puis en plus Fallout 3 a été fait avec le moteur d'Oblivion. C'est le même moteur graphique et moteur physique. Donc oui, donc. Mais après, on va dire, c'est sur l'univers. C'est-à-dire qu'ils auraient. Voilà. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont réussi à faire deux jeux qui ont quasiment le même système, avec des nuances en raccord avec leur univers, mais dans deux univers qui n'ont rien à voir. Ce qu'ils auraient pu faire, je sais pas, moi, Elder Scrolls et un Fallout qui se passe au Moyen Âge, ou un truc comme ça, mais peut-être pas dans l'Heroic Fantasy. Là, c'est carrément. Enfin, c'est. Au niveau des univers, il n'y a rien, quoi. Et Voilà. c'est ça qui est fort. C'est-à-dire que les mecs, ils ont réussi à faire deux grosses licences. Avec un game system qui se rejoint, mais avec deux univers qui ne se rejoignent pas. Et il y a d'autres éditeurs qui font comme ça des grosses licences, mais entre les clins d'œil, entre les machins et entre l'univers qui est quasiment similaire, voilà. C'est Voilà. des gros, t'as les grosses licences et les sous-licences. Là, c'est vraiment deux grosses licences à part entière. Et quand on voit les images du gameplay de Fallout 4, voilà, ça va être retravaillé, ça va être amélioré, ça va rester fidèle au. À ce qui a fait la force de Fallout. Et visuellement, quand même, c'est beau. si on fait un comparatif au précédent, c'est beau. C'est, ils ont quand même fait une évolution. Voilà. Donc. Et puis bon, il y a plein de trucs et voilà. Et donc pour tous les gens qui se plaignent que c'est pas beau, mais OZEF quoi, sérieusement. On est là pour le jeu en lui-même, pas pour. Enfin, Non. les graphismes n'ont jamais fait le jeu et. Non, bah, ça déjà, ça, on a déjà vu des jeux qui étaient beaux, mais qui manquaient cruellement de profondeur. Tu prends par exemple un exemple super récent tout con, pour clôturer le débat, The Order, 1886. Visuellement, il est waouh, quoi. C'est une bête, visuellement. C'est-à-dire que visuellement, pour l'instant, il met une race à un peu tous les jeux qui sont sortis, parce que voilà, les textures, les effets, c'est super bien géré. Mais derrière, bon, l'histoire est sympa, mais il est super court. Il y a, c'est, et, enfin, limite, c'est une succession de cinématiques avec très peu de temps de jeu. Donc voilà, visuellement, il est beau. Après, le jeu est un peu creux. Ça veut dire qu'il faudra peut-être reprendre le truc. S'ils en font une suite, on ne sait pas. Hein. Il y a énormément de choses à retravailler. Visuellement, il n'y a rien à retoucher, mais après, derrière, tout le fond est à retravailler, quoi. Donc, C'est ça. voilà, ne pas s'accrocher trop au graphisme. Voilà, exactement. Ensuite, on a enchaîné, alors je ne sais plus trop l'ordre, on va commencer par ça, on a enchaîné par la conf Microsoft. Oui. Microsoft qui a été plein de bonnes surprises, qui a commencé par bah, un trailer pour Halo 5. Oui, bah, la bonne surprise s'arrête, on va dire, au trailer. Voilà, j'ai jamais vraiment été fan de Halo. C'est des beaux jeux. C'est L'histoire est des bien beaux montée. jeux, mais j'ai jamais aimé ça, quoi. C'est honnêtement, le gameplay. Je trouve que le seul maladresse qu'il a, c'est le gameplay. Je trouve le gameplay un peu. Voilà, le feeling n'est pas là. C'est-à-dire que le gameplay, c'est tellement classique, c'est tellement pas. Enfin, je trouve que c'est pas travaillé. C'est très classique, en fait. Donc, t'as Oui, pas voilà. d'accroche. Mais après, visuellement, honnêtement, sur les. Même que ce soit sur Xbox, hein, Xbox et Xbox 360, ça reste peut-être les plus beaux jeux sortis sur ces plateformes-là. C'est vraiment super beau. Au niveau du scénario, c'est vrai que c'est super prenant. Au niveau de la méta-histoire et tout ce qui l'entoure, c'est super riche. Et Halo 5, ça fait longtemps qu'il y a une annonce plus ou moins officielle. Donc le fait qu'il annonce à l'E3, on va dire que c'est un soulagement. C'est pas une surprise, c'est un soulagement. C'est-à-dire, oui, il va y avoir. Mais ils en avaient parlé parce qu'ils sortent sur Xbox One, il va y avoir le Master Chief Collection ou un truc comme ça, Voilà, qui c'est regroupe en ça. fait tous les Halo jusqu'au 4 entièrement remasterisés pour la console, vraiment, pour que ça soit visuellement encore plus beau que ça ne l'était déjà, et que ça s'adapte sur la One. Et voilà, ils avaient clairement annoncé que c'était histoire de. Que les gens puissent tous se les faire encore mieux pour enchaîner sur le 5 après, quoi. Donc voilà, la bonne surprise, c'est le teaser final. Voilà, c'est ça. Moi, je j'ai pas été, ça m'a pas touché, donc je Mais m'en doutais un peu. voilà, c'est Par cool, on va contre, dire. C'est cool. voilà. Par contre, après, il y a eu un trailer pour un nouveau jeu, jeu des créateurs de Metroid Prime, qui s'appelle Record. Celui-là, j'ai pas entendu parler. Alors, c'est un jeu. Ça a l'air d'être un jeu d'aventure à la Metroid Prime. Où tu te balades avec un personnage et qui a en fait donc les Ricors qui font des espèces de sphères que tu peux transférer d'un robot à un autre. En fait. Et chaque sphère est une intelligence artificielle. Et donc tu peux choisir si tu gardes par exemple un robot. Donc ce qu'on nous montrait deux types de robots dans le jeu. Donc un chien et un espèce de robot géant. Ouais. Et en fait, la nana se baladait avec son chien, blablabla. Elle se faisait attaquer par des monstres en rentrant dans une grotte. Et les monstres tuaient le chien. Donc elle prenait la boule et elle regardait autour d'elle et elle voyait ce robot géant. Et elle mettait la boule dans le robot. Le robot s'animait et elle lui disait Hey there, buddy! Et le robot géant défonçait les monstres en trois coups, quoi. Donc ça a l'air d'être un vraiment jeu d'aventure à la Metroid. Moi j'attends ça. Ça a été annoncé comme étant une exclue Xbox One et PC. Si je dis pas de bêtises. Dans l'un, tu pourras le jouer, dans l'autre, Bah, en fait, Le si. destin t'est favorable. En fait, si je pourrais jouer sur les deux, techniquement. Même si j'ai toujours. Enfin, bref. Après, alors, annonce très très importante. L'annonce de la rétrocompatibilité sur Xbox One. Oui, sur Ça, c'est des... cool. C'est cool, ça reste sur des titres... Pour le moment mineur. Ouais. Puisqu'à l'heure où on dit ça, il n'y a qu'une à peine une vingtaine de jeux qui sont rétrocompatibles. Mais ils ont expliqué. Alors, c'est là parce que moi j'ai lu d'autres articles derrière. Ils ont expliqué pourquoi c'était pas possible. C'est parce que l'architecture de la Xbox 360 et de la Xbox One sont extrêmement différentes. La Xbox 360 est une architecture PC Engine. Et la One, c'est du x86 en fait. C'est ce qu'utilisent les PC, puisque les dernières consoles sont extrêmement basées sur les PC. Donc ils ont dit que c'était très dur d'émuler du PC Engine sur du x86, ce qui expliquait aussi pourquoi il y avait beaucoup de jeux qui mettaient énormément de temps à sortir des consoles au PC. Quand on regarde par exemple Dark Souls 2, il a mis un an, à peu près un an, à sortir entre la Xbox PS3 et PC. Et ce qui explique aussi pourquoi maintenant ils font des jeux, ils les développent sur PC avant de les développer pour ensuite les mettre sur console parce que c'est la même architecture donc c'est plus facile à porter. Et en parallèle à ça, moi je lisais un truc sur un site, je sais plus lequel, sur la rétrocompatibilité sur PS4. Je crois que l'annonce a été faite qu'il n'y en aura pas. Et l'annonce a été faite qu'il n'y en aura pas. Est-ce que tu sais quelle a été la raison donnée par le président de Sony? Bon, à mon avis, ça ne doit pas être une raison technique, ça doit être une raison commerciale. Bah, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des PS3, donc on préfère ressortir les jeux sur PS4. Ce qui est totalement faux. Est-ce qu'ils ont compris? Non mais est-ce qu'ils ont compris l'intérêt de la rétrocompatibilité? C'est-à-dire que t'as une Xbox One, t'achètes tes jeux du Xbox 360, donc tu les achètes moins cher, et tu peux y jouer sur ta One. Donc t'as pas Et besoin d'avoir la PS3. t'as ce système-là, puis t'as aussi le système que si t'avais déjà la Xbox avant, ça te permet de pouvoir continuer. Enfin, mettons que tu veux revendre ta Xbox 360 pour t'acheter la 360. One, et ben tu peux quand même jouer à tes jeux. C'est exactement ça. T'es pas obligé, t'es obligé d'être. Enfin, on va dire que t'es obligé d'attendre longtemps, parce qu'après, tu peux être aussi. Voilà, tu peux très bien faire le fifoulol et garder ta 3-6 et acheter la One. Moi, je sais par exemple que j'ai la PS3 et que j'ai la PS4 et que j'ai la 360. Et que peut-être un jour j'aurai la One, ça je sais pas. Mais que du coup j'ai gardé la PS3. Donc je Ouais. peux toujours profiter de mes titres PS3. Voilà. Et à l'occasion, voilà, les jeux qui m'intéressent, qui sortent en remasterisé sur PS4, bah, par exemple, je vais revendre le jeu PS3 pour prendre celui sur PS4, mais je le fais pas avec tous. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui ont été remasterisés que par exemple je vais pas prendre. Par exemple, il y a Diablo qui a été remasterisé sur PS4. Bah, j'ai sur Oh, PS3, je regarde sur t'es pas. PS3, il n'y a Voilà. pas d'intérêt. Après, je sais que je l'ai fait pour The Last of Us, je l'ai fait pour GTA 4, GTA 5, parce que ouais, The Last of Us et GTA 5, c'est des jeux qui sont super beaux, donc je voulais, même si ça joue à pas grand-chose, je voulais quand même pousser le vice jusqu'au bout, les avoir encore un peu plus beaux. Voilà, bon, après, bon, je me suis retrouvé avec Watch Dogs sur PS4, mais bon, le jeu était à 10 euros, hein, dans un coffret collector, donc en soi, je ne l'ai pas payé en vendant l'ancien. Ouais. Donc voilà, tout est dit, mais non, c'est pareil, comme là, il va y avoir. Ah, ça, on en parlera après. Ça pourra Voilà. permettre de. Mais. Bon, après, ils ont annoncé Plants vs Zombies Garden Warfare 2, où cette fois-ci on joue les zombies. Bon, pas intéressant, je suis pas fan de ce genre de jeu. Les fans Non. de Tactical Games apprécieront, même si ce coup-ci ça a Ouais. l'air plus d'être un truc FPS. Ouais, c'est plus. Enfin, c'est orienté tactique FPS, en fait. Voilà. C'est comme le jeu classique hein, qu'on joue sur nos téléphones ou sur le PC. Juste que cette fois-ci, voilà, c'est en mode Voilà, c'est course. ça. Bon, après, ils ont annoncé Forza 6 avec une une voiture qui était descendue du plafond et tout. C'est très pour le show, sinon, bon, bah voilà, c'est un jeu de voiture. Après Forza, il l'a plus, enfin, comment dire? Le trailer était classe, mais Il après, est classe parce bon. que Forza, voilà, à contrario de Gran Turismo, a une légère avance. Voilà. Voilà, c'est aussi un jeu phare de Microsoft. Ouais, et après, par contre, moi, ils m'ont appris. Enfin, il y a eu le trailer que j'attendais. Il y a eu le trailer de Dark Souls 3. Alors, Ça. ce jeu, je suis impatient et j'ai peur. Que ça soit le jeu de trop, c'est ça? Non, parce que ça a été créé par un certain monsieur Miyamoto, je crois. Attends, je sais plus, je vais chercher Oui, cherche avant de dire une connerie, parce qu'on pourrait pour avoir être des problèmes. certain, pour être certain de ce que je dis. Mais il a un nom très Japonais. non, voilà, c'est Hidetakaya Miyazaki. C'est pas le Miyazaki qu'on connaît qui fait de l'animation, c'est un producteur japonais. Et donc il avait fait les Demon's Souls, il a fait Dark Souls 1, et pour Dark Souls 2, en fait, il était pas là, il était parti travailler sur Bloodborne. Bloodborne qui finalement sert à financer le 3. Bloodborne qui sert à financer le 3, Bloodborne qui a l'air d'être un très bon jeu, même si très court. De ce que j'ai compris, j'y ai pas joué Très donc. court, bourré Ah oui, bourré de bugs, ça, oui, mais de ça, c'est les bugs. jeux From Software, ils ont tous été toujours bourrés de bugs. Voilà, enfin, moi je sais que j'ai des potes qui ont joué, qui m'ont dit, voilà, ça vaut pas un Dark Souls, honnêtement. Comment dire? C'est un Dark Souls sans être un Dark Souls. C'est-à-dire que c'est Voilà, Dark c'était un Souls. Dark Souls-like, il avait rien à voir C'est avec. ça, c'est juste ça. C'est juste histoire de dire, voilà, on va vous prendre un truc. Alors que ce qui est marrant, c'est que il a été extrêmement bien vendu avec les teasers, les trucs de gameplay. Enfin, honnêtement, même moi, hein, sur le coup, quand j'ai vu ça, j'ai fait, waouh, ça a l'air génial. Après, j'ai su que c'était par les créateurs de Dark Souls. Donc j'ai fait, ah, mais honnêtement, quand tu regardais le truc, ça se vendait pas pareil en fait. Tu t'avais pas l'impression de voir, t'avais vraiment l'impression de voir autre chose. Tu disais tiens, c'est peut-être autre chose. Et j'ai sincèrement jusqu'au bout, parce qu'après j'ai plus trop suivi l'actualité tout en ayant de pensée pour jeu-là, j'ai sincèrement hésité à me l'acheter. Et des potes l'ont acheté, m'ont dit écoute, t'aimes pas Dark Souls? J'ai fait non, bah, ne l'achète pas, parce que c'est la même chose. C'est ça, c'est un Dark Souls. Ça n'a pas vraiment été annoncé, mais tout le monde s'y attendait. Mais donc oui, pour finir, Monsieur Miyazaki a dit que justement le jeu serait plus dur que ses prédécesseurs, Possible, donc. en disant clairement, tout est pensé pour vous tuer. Du level design au placement des ennemis, tout est pensé pour vous tuer, mais vous pouvez vous en servir à votre avantage. Et là, quand tu lis ça, tu as peur, parce que tu dis, tu as peur qu'il finalement, ce Que qui faisait le ce... charme, devienne finalement, tellement punitif qu'il n'y ait plus d'intérêt, quoi. Voilà, c'est ça, que ce soit devenu un peu la marque de fabrique. Qu'au lieu de réfléchir à comment faire un level design intéressant et intelligent, ils se disent comment faire un truc qui va tuer les joueurs sans réfléchir plus que ça derrière. Et Et moi, ça me fait peur. on en revient au problème des couilles posées sur une licence. C'est-à-dire qu'on a une licence, au lieu de travailler sur quelque chose d'autre, ou de retravailler une idée, eh ben non, voilà, on a fait un truc pour voir, on a fait un deuxième truc sur la continuité, on a amélioré parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait. Et ben là, on arrive, généralement, le 3, c'est toujours le jeu critique, hein, de toute façon, ça, Oui, faut pas voilà. rêver. Et voilà, on en arrive au troisième volet. Là, voilà, bah là, on s'est dit, ouais, finalement, c'est ça qui plaît, c'est ça. On a vu qu'il y avait des runs, il y avait des concours, il y avait des machins, il y avait des trucs. Allez, vas-y, paf, on va faire ça. Et ça peut être l'erreur finalement de oui, voilà, de transformer que ça soit trop punitif, c'est-à-dire que c'était punitif, mais il y avait un côté sadomaso, c'est-à-dire que ça faisait du bien de se faire mal parce qu'il y avait un intérêt. Au niveau du challenge, là, ça risque de devenir vraiment inintéressant, quoi. Juste mourir pour mourir. Voilà, c'est ça. En espérant quand même que ce soit intéressant. Derrière, on a aussi. Bon, après, on a eu bien entendu The Division. Oui, qui a fait tilter pas mal de monde, parce que The Division avait déjà été Déjà été présenté, il était soi-disant moins présenté beau. l'année dernière. Par des images de gameplay, enfin c'était un trailer in-game en fait, alors il se vantait de faire alors je sais plus, c'était un terme spécial, c'était un truc avec les dégâts, donc dégâts localisés, enfin après gestion de l'environnement et tout ça. Et est arrivé un jeu qui reste beau hein, pour ce qui se fait, mais on sentait une différence assez lourde sur les images. C'est-à-dire qu'au niveau de l'éclairage, au niveau des textures, au niveau de la physique du jeu, tout ça, on s'est dit, tiens, c'est marrant, c'est pas pareil. Ouais, mais voilà, après moi c'est ce que je disais Mais ils l'ont en assumé par parlant de contre. Hein. Fallout. Oui, voilà, ils l'ont assumé. Ils ont dit que clairement, effectivement, au vu. De ce qui a, et c'est ce qui s'était passé pour The Witcher. Au vu de l'univers et de la continuation de développement, il s'est rendu compte que le jeu devenait beaucoup trop lourd. Et donc, du coup, il fallait peut-être revoir certains concepts. Voilà, c'est ça. Bon, après, on a enchaîné avec beaucoup d'indés. Oui, parce que Beaucoup bah, d'indés. ils veulent rattraper Sony, ils se rendent compte que c'est un marché florissant, quoi. Oui, mais c'est eux qui l'ont lancé à la base, donc voilà, Oui, enfin, ils se sont chiés dessus avec le. Ils veulent se rattraper. Voilà, ils veulent absolument se rattraper. Rattraper Sony, déjà, parce que Sony les a un peu Bourré, beaucoup leur a un peu dépassés. bourré le fion, oui. C'est ça. Donc, du coup, ils sont en train de se dire, merde, on a peut-être chié dans la colle il n'y a pas longtemps. Bah, là, du coup, voilà, c'est un peu genre, ouais, on a décidé de revenir aux sources. Voilà, c'est ça, ouais. Mais Bah, un des premiers jeux qui était annoncé dans la liste des rétrocompatibilités était Super Meat Boy. pas folle la guêpe hein. Voilà, ça a été un des premiers indés qui a vraiment marché sur Xbox. Ça a été Meat Boy a été lancé sur Xbox 360, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, ils savaient que les À la possesseurs de base, c'était Xbox à One la base, il me compatent semble que c'était PC. un jeu flash hein. Oui, à la base, c'était un jeu Flash. Meat Boy, et ensuite il y a eu Super Meat Boy qui a été développé pour Xbox 360 et qui a ensuite été porté sur PC. Mais non, c'est marketing. Et voilà, après moi dans les annonces, je te coupe, hein, mais je suis désolé, on est quand même à 40 minutes. Ouais, Bon c'est bah pour ça, on voilà, va. je te coupe, c'est pour aller vite parce qu'on a fait deux conférences pour l'instant, il en reste 7 autres derrière. Au pire, on fait sur deux émissions. On fait cette semaine, la semaine prochaine. Ouais, on verra si ça emmerde pas les gens. L'un des qui moi m'a le plus marqué, c'était Cuphead. C'était un petit truc style cartoon des années 30. En 2,5D, donc de environnement, décor, tout ça en 3D, gameplay en 2D. Je sais pas, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Ça me faisait penser énormément à Tic et Tac. Le jeu Tic et Tac qui était sorti sur NES. Donc tout ce qui est Tic et Tac, truc comme ça. Ça m'a donné envie d'y jouer. Apparemment, il sortira pareil Xbox One, PC. En fait, alors, la conférence Microsoft a été remplie de exclusivités Xbox One, PC. Il y en a eu énormément. Ce qui est le but de Microsoft. Et mais ça faisait plusieurs années que les vrais exclus n'étaient plus là, tu vois. Oui. Les Bah, il se vrais rattrape. exclus avaient disparu, que ce soit chez Microsoft ou chez Sony, hein. Il n'y a pas tant d'exclus PS4 ou Xbox One que ça. Et là, ils reviennent un peu aux sources en mode, voilà, ce jeu-là, il sera disponible sur DirectX 12, donc Xbox One PC, mais Sony, ils vont se faire foutre. Voilà. Bon après Après, enfin, ils entretiennent chacun leur exclu. Oui, voilà. C'est Après, voilà, Mais sauf qu'il y a eu c'est. beaucoup plus cette année, il y a eu beaucoup plus d'exclus Xbox One que PS4, quoi. Oui, mais parce que voilà, ça fait un moment déjà que on va dire Sony a la main mise sur les exclus. C'est Sony généralement depuis quelques années qui annonçait plus d'exclus sur sa console et Microsoft moins. C'est-à-dire que c'était souvent les conférences Microsoft rejoignaient généralement d'autres éditeurs sur d'autres titres. Là, effectivement, voilà, effectivement là c'est Microsoft qui a la main mise sur les exclus sur cette conférence. Enfin, sur cette E3 en tout cas. Voilà. Bon après on a eu alors la grosse blague. Il y a eu la grosse blague. Il y a eu le Dean Hall, le papa de Daisy, qui est venu parler de son Oui. nouveau jeu qui s'appelle Ion. Qui en fait sert à faire la promo de ce qu'ils appellent. Le Xbox Game Preview Programme, C'est ça. qui est le programme d'alpha de jeux anticipés sur Xbox One. Mais moi, en fait, pour moi, ce qui a été la plus grosse blague, ça n'a pas été vraiment ça, si tu veux, ça a été plus le fait que le mec il annonce un nouveau jeu alors qu'il a même pas encore fini son premier jeu qui était DayZ. Tu vois, DayZ est Oui. pas complet, DayZ est pas fini, il est encore en alpha et le mec il annonce derrière qu'il est en train de faire un nouveau jeu. Alors, ok, il a vendu DayZ à une autre boîte, mais quand même quoi, tu vois. Bah, ça inspire pas la confiance. On va pas se dire, oh tiens, voilà. Voilà, pour moi, c'est encore un jeu qui va rester en alpha et qui sera jamais fini. Et c'est le problème de l'accès anticipé. On en parlera peut-être un jour en live. On fera peut-être un débat là-dessus, l'accès anticipé, bien ou mal. Mais c'est vrai que ça fait. Voilà, après, on a enchaîné avec Rise of the Tomb Raider. Grosse annonce. Grosse annonce. Je sais pas ce que toi, t'en as pensé. Parce que ça va être une exclue Xbox One, si je dis pas de conneries. Exclu temporaire Xbox One. Temporaire, parce qu'effectivement, c'est pour ça que je dis, il me semble, parce qu'il me semble aussi avoir vu que Sony est en train de batailler pour avoir enfin, avoir un droit aussi sur le jeu. Ah mais ils l'ont hein. Ils l'ont hein depuis longtemps. C'est-à-dire que le jeu va sortir d'abord sur Xbox One Ouais, et mais là, par. après sur PC PS4. PS4, c'est pas sûr. Si. Si Ah, si. c'est sûr maintenant, si Ah ça a oui, été. ah oui. Ah, bon, bah alors je suis content. Je suis même très très content dans ce cas Ça de savoir fait ça. longtemps en fait, c'est la même chose, c'est la même chose sur un autre jeu dont on parlera tout à l'heure, j'en parle maintenant, Final Fantasy VII Remake, Oui. le fameux remake, qui a été annoncé comme exclusif pour PS4. Et en fait, si on lisait bien entre les lignes de ce que nous a dit le mec qui en parlait, c'est une exclue provisoire. C'est-à-dire que ça sort d'abord sur PS4, et après ça sortira sur Xbox One et PC. En fait, c'est une exclue Day One. C'est une exclue Day One, c'est des exclus qui durent un mois ou deux. Et au bout d'un mois ou deux, le jeu sort sur les autres plateformes, quoi. C'est Bah. juste pour pousser, en fait, c'est une espèce de contrat de vente. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui vont payer une Xbox One ou une PS4, pour le coup, pour jouer à tel jeu en Day One, quoi. Ils veulent le jeu Day One, ça va être, oh mon dieu, je vais m'acheter une Xbox One pour jouer à Rise of the Tomb Ouais, Raider. c'est marketing. Mais après, c'est pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, soit t'as une exclue, c'est-à-dire que toi, si par exemple Final Fantasy était resté, enfin le set là, qui va être remasterisé, sortait que sur PlayStation, ça m'aurait pas choqué. Oui, moi non plus. Parce que en soi, Final Fantasy, c'est PlayStation. Enfin, quand voilà. Non, non. Non, plus depuis le 13. Plus depuis le 13, mais ce que je veux dire, c'est que jusqu'au à l'origine. Ah non, à l'origine, c'était Nintendo Final Fantasy. Le premier, c'était Nintendo? Les six premiers sont sortis sur les consoles Nintendo. Ils sont pas sortis sur PlayStation la PSN. Alors, 1, 2, 3, 4 sont sortis sur NES. Ou alors 1, 2, 3 sont sortis sur NES. 4, 5, 6, enfin je sais plus, sont sortis sur Super NES. Et en fait, à la base, le 7 devait sortir sur Nintendo 64. Sauf que, ils ont commencé à travailler sur le 7 pour la Nintendo 64. Donc, ils avaient fait un combat, un trailer, enfin, une démo technique des personnages de Final Fantasy VI en 3D. Qui combattait un monstre, donc c'était pour la 64. Et à ce moment-là, Nintendo a fait l'annonce que la N64 se ferait avec des cartouches. Ce qui à la base n'était pas le cas, n'était pas censé être le cas, parce que ça devait se faire avec des CD. Oui. Et à ce moment-là, Square, qui n'était pas Square Enix à l'époque, a dit: Vous savez quoi, il y en a ras le cul, on va aller autre part. Ils sont allés chez Sony du 7 au 12. Et à partir du 12, en fait, ils se sont rendus compte que. On fait des jeux qui sont tellement énormes. On va les Pourquoi ne sortir pas en partout. faire profiter Sachant, par... voilà, sachant que le 7, le 8 et le 11 étaient déjà sortis sur PC. Le 11 était même sorti sur Xbox. Le 11 qui était un MMO. Et donc le 13 est sorti bah, sur Xbox 360, PS3. 13, 13, 2, 13, 3. Et puis plus tard sur PC, même si le 13, 3, à l'heure où je vous en parlais, pas encore sorti sur PC. Pour plein de raisons. Et donc le 14 est sorti sur toutes les machines. Et le 15, pareil, sortira sur. Pour l'instant, Xbox One, PS4, PC, je sais pas encore. Je crois pas, j'ai pas vu de PC quelque part pour Final Fantasy XV. Mais voilà, depuis le 13, ils se sont dit clairement, non mais il y en a marre quoi. Enfin, autant sortir ça partout, parce que Final Fantasy est devenu tellement une marque. C'est même plus une série de jeux, c'est une marque. Il y a des jeux, il y a des comics, enfin, il y a des mangas, il y a des films. Il y a tellement de trucs que. Bah, ils se disent si on sort sur toutes les machines, on va juste complètement exploser les chiffres de vente, quoi. Donc autant sortir sur tout. Bah, du coup, ça reste bien parce que c'est vrai que, enfin, pour revenir du coup sur Tomb Raider, c'est vrai que le dernier sorti en date, enfin, le nouvelle Ah, de Tomb génération, Raider, ouais, voilà. exceptionnel. Alors moi, j'y ai pas joué. Pas encore. Je l'ai, j'y ai pas joué. J'ai vu le gameplay, donc le trailer gameplay de Rise of the Tomb Raider. J'ai pas été transcendé par ce que j'ai vu. Peut-être parce que tu es adepte de l'original. J'ai jamais joué à l'original non plus. J'ai jamais joué à un Tomb Raider. Parce que je sais que, enfin, pareil, les Tomb Raider, on va dire, d'origine, c'est pareil, c'est un peu du fanservice, ça s'adresse vraiment à des jeux qui aiment ça. Je sais que moi, j'ai Ouais, pas mais non, mais moi accroché. c'est pas ça, c'est pas ça, c'est que ça pourrait être très intéressant. Le problème, c'est que le gameplay qu'ils nous ont montré, donc les 6 minutes quand même de gameplay qu'ils nous ont montré du nouveau Rise of the Tomb Raider, c'était 90% de cinématiques et de QTE. Ça fait ça que même dans celui qui est sorti, enfin, Même dans voilà, le Tomb Raider en 2013, on va l'appeler comme ça. Tomb Raider 2013, c'est vrai qu'il y a des séquences de cinématiques et de QTE. Après, les combats, enfin, c'est visuellement les beaux. C'est très bien raconté, enfin, c'est très bien narré. Le game system est franchement, franchement sympa. Enfin, c'est voilà, il y a une prise en main qu'on va dire est un peu universelle, quoi. Donc c'est vrai que voilà, quand moi au début j'avais vu que c'était voilà prévu pour Xbox, le prochain, j'ai fait putain, c'est con quoi. C'est-à-dire que, mais bon, voilà, maintenant le fait qu'on va pouvoir, je sais que ça fera sûrement partie des jeux que je vais acheter parce que le 2013 j'avais vraiment apprécié. Je pense que celui-là, s'il merde pas, peut être tout autant appréciable. Voilà. Alors après, bon, il y a eu Sea of Thieves, une exclue Xbox One. Bon, c'est pas très intéressant. On a eu l'annonce de Fable Legends aussi, avec l'annonce du crossplay entre PC et Xbox One. Ouais. J'ai jamais été fan de Fable, donc ça m'a pas marqué. Moi, honnêtement, ça m'a déçu. Ouais. Ouais. Enfin, franchement, super grosse déception. C'est-à-dire que les fables, c'est des classiques du genre. Vraiment, ils sont. Enfin, le 1, le 2, le 3. Enfin, j'ai adoré. C'est immersif. C'est bien construit. C'est magique. Honnêtement, c'est magique comme jeu. Et le Legend, ça perd tout l'état d'esprit. C'est-à-dire que tu n'as plus ton héros, que tu avances. Enfin, tu vois, c'est plus une histoire. Tu choisis, c'est un héros prédéfini, et c'est tout, Ouais. quoi. Et tu sais même pas c'est quoi l'histoire. Voilà, ce qu'ils t'ont vendu, Fable Legend, c'est quoi? C'est que tu as quatre héros, tu peux jouer à quatre. Tu peux jouer même à cinq parce qu'il y en a un qui peut faire le méchant. C'est tout. C'est vraiment tout ce qui a été vendu. Oui, voilà, ça n'a pas été non plus un truc exceptionnel. C'est pas du Fable. C'est pas un vrai Fable. Pour moi, je pense que ça va être le même style que Elder Scrolls. C'est-à-dire que c'est un jeu qui va sortir Histoire 2. C'est pas un Fable. Ouais, voilà. Comme on l'entend. C'est pas ça. Après, pour finir sur Microsoft, donc il y a eu Fable Legend. Il y a eu le truc qui a fait plus que phénomène, c'est la fameuse alliance Microsoft-Oculus. Oui, alors ça justement, c'est pas Oculus. Un partenariat. Voilà, c'est un partenariat avec l'Oculus Rift, c'est l'HoloLens. Oui. Ça, par contre, ça m'a foutu sur le cul. Alors, T'es balèze. c'est juste graphique, quoi. C'est juste le... Moi, ce qui C'est m'a de la foutu sur science. le cul. Voilà, c'est de la science-fiction. Oui, c'est de la science-fiction. C'est clairement, c'est tu vois le... Tu vois le méchant dans tous les films, bah dans par exemple, comment il s'appelle ce film de Besson, Cinquième élément, Ouais. qui a ses hologrammes devant lui, qui les ouvre et qui ceci, c'est la même chose. C'est de la science-fiction. Et pour un fan de science-fiction, c'est abandé, quoi. C'est moi, C'est j'étais génial. là et j'ai Après, je pense qu'il faut prendre un certain recul parce que quand tu regardes Kinect, Oui, voilà, Kinect, ça les marchait présentations, pas. pareil, c'était de la science-fiction. C'est-à-dire que c'est ouais, Kinect, tu regardes les premières présentations de Kinect, c'était dingue. C'était dingue. Maintenant, Kinect est sorti. Maintenant que Kinect est sorti, tout le monde est un peu en mode ouais, c'est cool, ouais. C'est cool, et surtout que comparé à ce qui a été présenté, ça n'a rien à voir. Voilà. Alors là, effectivement, on a l'HoloLens. C'est le futur, le truc. C'est de la folie furieuse. Mais ce qu'on va pas se retrouver avec un nouveau Kinect. C'est-à-dire, le truc va sortir. Et au moment où il va sortir, on va se rendre compte que c'est un peu de la merde en fait. Voilà, que c'est cool, c'est sympa, mais que ça donne envie de gerber, que finalement c'est pas, ça a rien à voir avec ce qui a été montré, que ça merde, ça fonctionne pas, c'est bas de gamme. Donc voilà, c'est un petit waouh, c'est impressionnant. Et quand on voit déjà ce qui est possible de faire avec l'Oculus Rift, c'est quand même impressionnant. Enfin là, l'Oculus Rift, on a des vidéos et plein de vidéos qui montrent. Donc tu sais ce que c'est le produit. Maintenant voilà, ce que vont faire Microsoft, voilà, c'est. Voilà, c'est ça. Et la dernière annonce de Microsoft, c'était Gears 4, Gears of War 4. Bon, sans surprise, voilà, c'est l'exclu. Voilà, moi j'aime pas C'est Gears of le War, God donc. of War de Microsoft. Voilà, moi j'aime pas Gears of War, donc ça m'a pas marqué. Non, Mais. c'était prévisible qu'ils ont, voilà, qu'il y ait le Oh, 4 c'est qui très arrive. beau, hein, c'est très beau, mais ça m'a pas marqué. C'est joli, c'est sympa, mais c'est voilà, c'est du fan service aussi, ça. Voilà, Beaucoup. exactement. Sur ce, on va marquer une petite pause et Yep. on va revenir avec bah, la suite de cette 3 2015. Et à tout de suite, les gens. C'était bien la musique, hein? Et ça fait toujours du bien, Ça fait un peu de toujours du musique. bien parce qu'on transpire. Oui, ta gueule. Je transpire. Voilà. Alors, après la conférence Microsoft, il y a eu la conférence Ubisoft. Ouais. Et moi, dès le départ, j'ai eu un orgasme. Parce que la première annonce, ça a été un nouveau jeu South Park. Ça a fait la conférence, honnêtement. Ça a fait la conférence, très clairement. Donc, qui a été annoncé par Trey Parker et Matt Stone eux-mêmes. Rien de moins. Sachant que les mecs avaient dit, ils en parlent en plus dans la conférence, c'est-à-dire que la conférence est animée par, il me semble. Alors je sais plus comment elle s'appelle la nana, je crois que c'est Aisha Tyler, qui est une actrice. Et donc Aisha leur dit, mais vous aviez dit que vous feriez plus jamais de jeu South Park. C'est effectivement ce qu'ils avaient dit après The Stick of Truth. Ils avaient dit, voilà, on a aimé, mais on refera plus jamais de jeu South Park. Elle leur demande, mais alors pourquoi en faire un nouveau? Ils ont dit, bah en fait, on a tellement aimé The Stick of Truth qu'on a décidé d'en faire un autre. Et heureusement, parce qu'on est beaucoup à avoir aimé ce jeu-là et on est beaucoup à Et attendre le heureusement prochain. parce que autant The Stick of Truth se passait dans un monde, bon c'est South Park mais c'était très très médiéval fantastique, très Game of Thrones en réalité, puisque les épisodes qui sont en fait ils ont fait des épisodes qui faisaient un peu préquel au jeu, qui sont des parodies de Game of Thrones. Et là en fait on va jouer bah, les super-héros. Donc The Coon, Mysterion, Praline Menthe Cerise, tout ça. Le jeu, alors le titre du jeu me fait hurler de rire. Il s'appelle The Fractured But Whole. Alors pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est un jeu de mots à double sens. C'est-à-dire qu'on a The Fractured But Whole, le titre normal qui veut dire ce qui est fracturé mais entier. Mais ça veut aussi dire, si on lit en un sens, ça, en un mot, ça fait The Fractured Butthole, qui veut dire le trou du cul fracturé. Puis même quand tu lis le titre, version écrite prête beaucoup. Voilà, ben bah oui, mais c'est ça. Si tu lis en un mot, si tu fais The Fractured Butthole, c'est le trou du cul fracturé. Ce qui d'ailleurs fait une blague de Butters à la fin, où il fait Butthole Et il rigole. Alors, ce qui a été annoncé, c'est que ce sera la suite directe de The Stick of Truth. Est-ce que, pour moi, la plus grande question, c'est est-ce qu'il y aura moyen d'importer les sauvegardes de Stick of Truth dans Fractured? J'en sais rien, ce serait ultra intéressant. De rejouer avec exactement le même personnage, tu vois. Oui, ça peut être sympa, mais honnêtement, ça serait le petit plus. Ce serait le petit Le plus. mini plus, parce que. Enfin, c'est con, quoi, mais de par déjà les créateurs, de par la série, South Oui. Park, qui est génial, de par le jeu, The Stick of Truth, qui était. Il n'y a même pas de mots pour le décrire. Il n'y a même pas de question à se poser sur ce qui a sorti, est-ce qu'il va être bon, est-ce que il y a pas il y a même pas c'est con, je pense que c'est l'un des seuls jeux qui a été annoncé. On On peut pas se dire sait, ah ouais. oh, est-ce qu'ils vont est-ce que non ben non, il peut être que bon. Voilà, C'est exactement. les mecs, ils ont fait déjà je sais pas combien de saisons de South Park, on s'est jamais posé la 18. question. C'était les saisons étaient généralement c'était de mieux en mieux, en fait plus ça allait, plus c'était beau, plus c'était bon, plus Ouais, c'était alors extraordinaire. il y a quand même un moment où ça s'est un peu calmé, puisque ça a quand même été annulé à un moment, hein. Oui, mais ça qui est bon, Ça a quand c'est même que été et annulé, et c'est puis au final, le public a tellement gueulé que la chaîne a dit bon, ok, d'accord, on le relance, et depuis, c'est le boom, quoi. Mais oui, mais c'est ça qui est bon, c'est qu'ils ont été, ça a été annulé parce que ils étaient trop bons les mecs. C'est-à-dire Voilà. qu'ils ils dérangeaient, ils dérangeaient, et c'est ça qui est bien, c'est que c'est un truc qui se veut volontairement ultra vulgaire, ultra provocateur. Et Exactement. ils auraient fait. Ils se seraient rangés pour des nouvelles saisons, ça aurait pas été intéressant. Non, ils ont été jusqu'à être menacés d'annulation, que ce soit la communauté qui gueule pour que ça revienne et qu'ils finissent par revenir, en restant eux-mêmes. Et c'est ça qui est bon, c'est-à-dire que ces 18 saisons, ils sont restés fidèles au truc et ils sont, certains, allés encore plus loin qu'on aurait pu l'espérer, l'imaginer. C'est pour honnêtement, le jeu, y a même pas de question à se poser. C'est-à-dire que tout était bon, le gameplay, voilà, c'est tu retrouves la touche graphique, tu retrouves, voilà, le game, tout était bon dans le bâton de la vérité. Du coup, y a même pas de question. Ils peuvent que faire mieux. Et même si c'est la même chose, même si, voilà, voilà, y a pas de question. C'est rembarré, voilà. Il y a un prochain South Park qui va être très bien. C'est tout. Voilà, C'est c'est exactement ça. Après, ils nous ont présenté For Honor. qui est une interrogation, hein? Moi, je suis pas intéressé du tout. J'ai l'impression de voir une espèce de Dark Souls multi. C'était à peu près le même système de jeu, quoi. Tu tapes, tu pars, t'attends que ton ennemi tape pour taper. J'ai vu Dark Souls. J'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé ça super intéressant. Bah Donc. ça fait très chevalerie en fait. Voilà, chivalry, Dark Souls, tout ça. C'était vraiment genre chivalry mêlée avec le gameplay de Dark Souls. Mais Voilà. enfin, après voilà, ce qu'ils ont là, bon, tu sens que ça va ressembler à beaucoup de choses. Oui. Mais t'es intrigué parce que enfin tu y es enfin parce que ça avait pas été annoncé outre mesure. Ça a pris tout le monde de court. C'est-à-dire que c'est pas novateur. On sent que ça reprend beaucoup de choses déjà existantes, mais pourquoi pas? Ouais, moi ça m'a pas marqué. Après il y a eu des annonces, alors des DLC qui bon, le premier j'en ai rien à foutre, ça a été le DLC Wild Run, donc ajouter des motos pour le jeu The Crew. Ouais. Par contre celui pour Trials Fusion Oh, putain. m'a beaucoup fait rire. Trials Fusion, c'est un jeu de moto complètement un peu type comment il s'appelle ce jeu, Markiplier, il joue très souvent. Je vais vous retrouver le nom. Putain, je l'ai sur le bout de la langue, quoi. C'est un jeu qui est extrêmement vieux. Il y a eu plusieurs versions. C'est pareil, un jeu de moto où tu contrôles ta moto, tu dois faire des figures, etc. Ça n'a jamais vraiment été super. C'est de la stunt bike en fait. C'est de la stunt bike sur un décor. En fait, on suit En une ligne. 2D, ouais, voilà, c'est ça, tu suis la Enfin, un ligne. 2D, 3D, quoi. En gros, enfin, voilà, style 2D au Happy niveau de Wheels. l'avancée. Happy Wheels. Voilà, Voilà, c'est oui. un jeu à la Happy Wheels. Et c'est clairement. C'est complètement. Enfin, c'est super. Enfin, c'est complètement barré. C'est très dur par moment. C'est très dur, mais c'est voilà, c'est de la bonne dureté. C'est vachement bien joué comme jeu. C'est vrai que le DLC, mon Dieu, quoi. Mon Dieu. Il est sorti en plus, il me semble. Alors je sais pas, mais Parce que voilà. c'est celui avec le chat et la licorne. C'est les licornes, voilà, c'est les licornes Il qui font est des sorti, arcs-en-ciel. il me semble qu'il est déjà sorti, ça y est. Moi j'ai vu ça, j'étais juste mort de rire, quoi. Je regardais un restream français, donc avec des commentateurs français, qui étaient en mode, oh mon Dieu. Genre, C'est mais qu'est-ce que génial. c'est? Et moi j'étais là, genre, mais c'est génial, quoi. C'est des licornes qui font des arcs-en-ciel, bordel! Honnêtement, C'est c'est con, génial. mais Bah. c'est Internet résumé en un DLC, quoi. Oui. C'est un chat sur une licorne qui fait des arcs-en-ciel. Internet! Tu peux pas résumer Internet mieux que ça. Bon, alors après, voilà, ils nous ont remontré du gameplay de The Division. Oui, bah oui, c'était voilà. Voilà. Ils ont approfondi The Division. Voilà. Après, par contre, ils ont présenté Anno 2205. Un jeu de gestion de l'espace qui, ma Oui. foi, avait l'air très intéressant. Là, ça suit, c'est une série, les agneaux J'en ai machin. aucune idée, c'est très possible. J'en ai aucune Parce idée. qu'il me semble que c'est une série et que là, du coup, celui-ci se passe dans l'espace, mais qu'à la base, t'as la Renaissance, le Moyen-Âge. Enfin, c'est un petit peu le. Merde, comment ça s'appelle? SimCity. SimCity, Empire. Age of Empire, c'est ce style-là en fait, c'est la gestion stratégique en fait. Ouais, c'est ça. Et c'était la série, ça fait partie de la même série, c'est des très très bons jeux de gestion stratégique, vraiment bien foutu. Et donc du coup, ouais, pour les amateurs de jeux de style de jeu-là, ouais, ça a l'air vraiment. Voilà, moi je suis pas amateur, mais le jeu avait l'air bien, donc voilà, je verrais bien Le comment jeu a ça l'air sort. sympa et je pense que voilà, tous les amateurs de ce style de jeu-là sont, je pense, pas déçus, quoi. Surtout Voilà. s'ils suivent, s'ils y jouent depuis. Donc Surtout non, non, s'ils jouent depuis le début ou même s'ils ont pris le train en marche. c'est ça. Non, non, c'est un bon jeu. C'est voilà, c'est une valeur sûre. C'est un risque de tourner ça sur l'espace parce que peut-être que ça peut-être se rapprocher beaucoup de tout ce qui est StarCraft et tout ça. Voilà. Ça peut être un risque, mais si ça garde le même système, le même gameplay que sur les anciens, ça peut être un super bon mélange, honnêtement. Voilà. Après, il y a eu, alors là, pour moi, la plus grosse annonce, l'annonce la plus inattendue de cette E3 2015. Personne ne s'y attendait, hein, soyons d'accord. Ça pue sarcasme, ta phrase. Ça a été Just Dance 2016. Personne ne s'y attendait. Pff, mais ils en sortent un tous les ans, c'est. Next, allez, suivant. Voilà, c'est. Allez, à la suite. On fait un coucou à Laïa qui forcément va l'acheter et va y jouer. Oui, mais oui, C'est Laïa, oui. mais sinon, oui, non, bah Just C'est Just Dance. Dance, il n'y a rien à dire, c'est Just Dance. Just Dance. Voilà, des nouvelles chansons, c'est cool. Ouais. Youpi, Bon, si, yeah. ils ont annoncé aussi l'arrivée des trucs online. Hein. Il y a un catalogue online avec des chorégraphies tirées des anciens Just Dance et des nouvelles. Tu pourras y jouer, mais bon, c'est pas très intéressant. Voilà, c'est bien pour les amateurs du jeu. Voilà, c'est bien pour les amateurs du On va jeu, mais dire, sinon voilà, ça c'est casse une pas bonne trois pattes à nouvelle un pour ceux canard, quoi. qui aiment Just Dance. Voilà. Ensuite. Ensuite, on a eu Rainbow Six Siege. qui a l'air badass. Je suis pas d'accord, moi, il m'a pas donné envie. Ah Alors, si, bah. j'avais vu, je vais faire un peu de promo, mais pour ceux qui connaissent un peu. Sur YouTube, il y a un mec qui fait des vidéos qui s'appelle The Game Theory. Où il fait en fait, bah toi tu connais, je sais que tu connais, il parle de théorie de jeu. Et Five Nights at justement, Freddy, pardon. voilà, Five Nights at Freddy's par exemple. Excuse-moi. Et il avait sorti il y a quelque temps une vidéo sur Rainbow Six Siege, qui était sponsorisée bien entendu par Ubisoft. Où Qui en d'autre? fait, c'était en mode, est-ce que Rainbow Six Siege est réaliste? Et en fait, il était allé s'entraîner, enfin faire un truc donc avec vraiment les équipements et tout, hein. C'était Ouais. vraiment vraiment badass, avec des vrais militaires, des gens qui font vraiment ce boulot-là. Et c'était assez impressionnant, mais malgré ça, le jeu me donne pas envie. Ça a l'air badass, malheureusement, je sens le jeu Downgrade. qu'on nous présente. Bah, pas forcément downgrade, pas downgrade des graphismes, mais downgrade du gameplay. C'est-à-dire que le gameplay entre ce qu'ils ont annoncé l'année dernière, parce que le jeu a été annoncé l'année dernière, entre ce qu'ils ont annoncé l'année dernière et ce qu'ils ont annoncé cette année, il y a vachement moins de choses. Et surtout, comme il disait, c'est un jeu qui va être très coopératif. Oui, ah Puisqu'il bah faut ça faire va être très très orienté multi. attention, ça va être très orienté multi-tactique. Donc faut bien choisir ses coéquipiers. Et faut bien choisir ses coéquipiers parce que suffit qu'il y ait un con qui court dans le tas et ça pourrit la partie. Ah bah de toute façon quand tu vois les images de gameplay, tu vois que c'est très tactique. Voilà. aussi bien au niveau du SWAT Que des ennemis. que des ennemis. D'ailleurs, le SWAT, les joueurs, parce que c'était, y a eu des joueurs en live, ils se sont fait défoncer la gueule. Ils Ah se mais c'est sont pour fait ça. pourrir la gueule, quoi. C'est pour ça. Non, non, c'est les Rainbow Six, de toute façon, la série des Rainbow Six, ce veut, de toute façon, c'est toujours la même orientation. T'es une équipe d'élite, tout ça, qui est censée sécuriser des zones, sauver des otages, enfin, c'est tout le temps la même chose. Là, ils s'orientent vraiment sur du multi avec. Non, ce qui peut être badass, c'est honnêtement, c'est les voilà, c'est le la physique du jeu, quoi. La physique du jeu et toutes les opportunités tactiques que t'offre le fait de pouvoir éclater un plafond, un mur, un sol, faire ce que tu veux, quoi. Voilà. Et de devoir gérer ta couverture, parce que c'est pas du code, tu te caches derrière un muret, tu campes et puis tu tires. Non, tu te mets derrière le muret, tu te fais. Il n'y a plus de muret. Le mec Voilà. avec un fusil à pompe, il n'y a plus de muret, il n'y a plus rien. Donc non, non, non, il a l'air vraiment bien. Après, oui, voilà. Au niveau du multi, tu sens que ça va être quelque chose de franchement. Voilà, si c'est bien. C'est un multi qui. Voilà, il faudra bien gérer son multi pour vraiment profiter de l'expérience. Donc au niveau du multi, c'est très bien. Maintenant, ils n'ont pas parlé de solo. Donc est-ce que ça sera un jeu qui sera uniquement multi? Je pense pas, mais le solo va pas être intéressant, quoi. Ça va être comme à la Left 4 Dead. Jouer en solo, c'est possible, mais c'est pas intéressant. Voilà, après c'est ça. Est-ce que le solo, finalement, ce sera du multi avec des bots? Ben, je pense que c'est ça, hein. Je pense que Il y a de c'est fortes ça. chances. Ou est-ce qu'il y aura vraiment un solo avec sa campagne et tout ça? Comme il y a, parce qu'au final, dans les Rainbow Six, voilà, c'est des cartes que tu peux jouer. En fait, c'est des cartes, des missions que tu peux faire tout seul avec des bots ou avec des potes. Donc, effectivement, tout seul, il y a un intérêt minime, mais tu peux le faire. Là, c'est la question, est-ce que tu pourras le faire, quoi. Donc, mais au vu des anciens Rainbow, enfin voilà, qui sont très orientés coop et multi, je pense que ça sera le solo sera ça, quoi. Ça sera la même chose qu'en multi, mais avec des bots. Donc, tu auras une expérience qui sera beaucoup moins agréable. Voilà, pour moi, ça va être ça. Mais ça peut être une bonne surprise, Ça peut être une honnêtement. bonne surprise, on verra Ah bien. oui. Après, bon, il y a eu Trackmania Turbo. Bon, Trackmania, hein, il y a rien à. Pareil, c'est comme Just Dance, il y a rien à dire de plus. Trackmania, quoi. Il y aura, alors si, un truc intéressant, il y aura un générateur des niveaux totalement aléatoire. Ça peut être marrant. Ça peut être drôle, mais sinon, voilà. Et puis, bah, ça a presque fini. Alors, le dernier jeu qui a été annoncé, il y en a eu un après, mais c'est la clôture Ubisoft, ça, voilà. Mais le dernier jeu qui a été annoncé, ça a été le dernier Assassin's Creed. Il y en a eu un autre chez Ubisoft. Oui, mais justement, ça, j'en parlerai après. Mais le dernier vrai jeu qui a été annoncé, c'était le Oui. Assassin's Creed. Ouais. Bah, moi c'est du fan service. Bon, après, quand tu vois Unity, est-ce que moi je l'achèterais parce que voilà, moi je suis en mode gros fan service là-dessus. Voilà, j'ai vu des vidéos de gameplay, j'ai vu le trailer. Bon, l'histoire a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Voilà, ça se voit encore différent de ce qui a déjà été fait sur les anciens Assassin's Creed. Bon. Après, voilà, après ça va être comme Just Dance et Trackmania, c'est Assassin's Creed. Voilà, c'est ça, c'est Assassin's Creed. C'est-à-dire Bah, je qu'autant. suis un peu déçu quand même. Parce que je déteste Assassin's Creed. Mais l'univers de ce jeu avait l'air super cool. Mais je sais que j'y jouerai probablement pas parce que c'est du Assassin's Creed et ça m'a fait Ah, chier. c'est clair que le Londres victorien, ça peut être vachement Le sympa. Londres victorien, ça peut être juste génial. Ça, honnêtement, ouais, au niveau de l'ambiance, tout ça, même au niveau de certains trucs, enfin, de certains systèmes qui ont été ajoutés, il y a des systèmes qui ont l'air relativement intéressants. Voilà, non, non, ça peut être sympa, mais voilà, la France de la Révolution, c'est un cadre super sympa et intéressant aussi, hein. C'est ça. C'est super vivant. Après, voilà, dû à des fautes techniques, un scénario peut-être un peu bancal, ça gâche un peu le plaisir. Il y avait un potentiel avec l'époque de Unity. Il y a un fort potentiel avec celui de Syndicate. C'est maintenant comment ça va être amené, comment ça va être géré avec tout ce qu'il y a autour, quoi. Voilà, on verra bien si Ubisoft arrive à se se soigner de l'échec de Unity quand même. Ah bah Unity, ouais, ça a foutu un froid dans la licence, hein. Parce que enfin, je veux dire, le jeu qui est à peine sorti est déjà complètement buggé, qui a besoin d'un patch de 3 gigas le premier jour, non quoi. Donc Non. Et par voilà. contre, oui, comme on disait, il y a eu un dernier jeu. Le truc, c'est que Ubisoft a très tendance à dire bonsoir, il vide la scène, et là, il y a un dernier trailer. Et cette année, c'était Ghost Recon Wildlands. Oui. Qui m'a, quand je l'ai vu, moi j'ai pensé, alors si je dis pas de bêtises, je peux dire des bêtises, Vas-y. c'était pas celui où on voyait le mec sauter en parachute et tout. Il me semble que c'était ça, c'était le... Alors je sais pas si c'est une séquence en parachute, en tout cas c'est un Ghost Recon. Au Et en tout fait, début, ils sautaient en parachute et après ils attaquaient, on voyait plusieurs façons d'attaquer des mecs dans c'est une ça. Ils base. expliquaient en Voilà. fait que du coup, ça serait un. Alors, ils annoncent que ça sera un gigantesque monde ouvert. Apparemment, voilà, ça se passera dans un monde ouvert apparemment incroyable, immense, avec des missions à réaliser et plusieurs approches tactiques possibles. Et Voilà, donc, et ils en moi ont en fait présenté le deux ou truc, trois, je crois. voilà, moi le truc en fait, c'est que quand j'ai vu le départ et la façon dont c'était fait, dont il y avait un peu tout en fait, j'ai pensé que c'était un Just Cause. Oui, Je la même. pensais que c'était un Just Cause, j'ai fait putain, Just Cause 3, trop génial! Et là à la fin, j'ai vu Ghost Recon et j'ai fait ah. Ouais, parce que c'est la même ambiance. Pas vraiment. Bah, la même ambiance dans le sens où, voilà, c'est la drogue, c'est le cartel, c'est les politiciens ripoux, c'est un territoire hispanique. Donc forcément, tu mets ça avec un mec qui arrive en parachute comme un Youfi LOL. Ouais, première impression que t'as, c'est Just Cause 3, quoi. Mais c'est peut-être ça qui. Après, c'est vrai que j'ai vu le truc. Moi, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, le problème des Ghost Recon, c'est qu'il y en a des bons, qui sont très rares, et il y en a des catastrophiques. Voilà, c'est ça, bah, un peu comme beaucoup de séries de jeux. Mais différent, c'est-à-dire que Ghost Recon, déjà, enfin, tu sais, voilà, pour savoir combien il y en a exactement, tu sais pas trop. Pour savoir quelle est la différence entre un tel et un tel, tu sais pas trop, parce qu'ils ont des noms qui sont plus ou moins identiques. Et voilà, quand tu arrives dans un magasin que tu vois marqué Ghost Recon, tu l'achètes, tu dis ouais, c'est pas cher, tu as une chance sur autant qu'il y a de jeux de tomber sur le mauvais Ghost Recon, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Donc, du coup, voilà, celui-là a l'air de bien présenter. Donc, ça peut être un bon Ghost Recon, comme il peut rentrer dans la catégorie Des tout pourris. des tout pourris dégueulasses qui n'ont aucun intérêt. Bon, voilà. Après, le fait que tu aies plusieurs approches tactiques, que voilà, ça soit un monde gigantesque, que tu rajoutes des éléments, ça peut en faire un bon. Bon, à voir. Voilà, on verra bien. Blablabla. Je Pardon? suis. Je, non, mais en fait, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir, excusez-moi. Ensuite, on enchaîne avec Electronic Arts. On est vraiment obligé d'en parler? Bah, Electronic Arts, Pour moi, il y a eu un seul jeu sympa. Deux, Battlefront. deux, deux. Bon, on commence déjà par Mass Effect Andromeda. Oui. Ah, Qu'est-ce tout qu'il à y a? fait. Il n'y a rien à dire. J'aurais préféré un Mass Effect 4 parce que la fin du 3 était débile. Oui, on justifie les nombreux, enfin le patch qui est sorti pour arranger ça. Voilà, et Bah, pour tenter d'arranger ça, tout du moins. pour tenter d'arranger ça, ce qui n'a rien changé au final, j'aurais aimé une vraie conclusion à cette histoire parce que c'est quand même énorme, tout ce qui a été fait Mais par après, Electronic Arts pour Mass Effect, c'était gigantesque. ouais, mais il faut regarde. Nous avons Fable Legend, nous avons The Elder Scrolls Legend. Là, on a Mass Effect Andromeda. Est-ce que ça serait pas la technique de je vous sors un petit truc, Non, je pense pas. un amuse-gueule? pour vous balancer l'année prochaine ou dans 2 ans, bam, le Mass Effect 4, quoi. Ça peut être une voilà, ça peut être un préfinancement au final. J'y crois pas. Parce qu'en fait, apparemment, de ce qui est dit, ce serait le lancement d'une nouvelle trilogie, en fait. Merde. Et ah oui, là, ça fout mal. Là, ça la fout mal. Bon, bah, c'est comme ça, voilà. Espérons que si c'est une nouvelle trilogie, le 3 finira bien. Enfin, finira bien. Finira que... Voilà, on se comprend. Mieux. Mais ça finira mieux. Ouais, et puis comme ça, ouais, effectivement. Peut-être que c'est pour une façon de remettre les compteurs à zéro. Ouais, voilà, je pense que c'est ça. C'est ça, bon. C'est vraiment. Après, bon. Ok. C'est quand même grave. On peut pas leur pardonner ça. Ils ont chié la fin d'une trilogie. Ce qui est une erreur, on va dire, à ne pas faire. Après, Mass Effect, ça reste Mass Effect. Ça reste Mass Effect. Ça reste très très bon, super agréable. Enfin voilà, ça reste. Waouh, quoi. Ça reste Mass Effect. Et donc. Ouais, l'optique d'une nouvelle trilogie, ça reste quand même un petit peu jouissif. Hein, J'ai jamais été vraiment fan de Mass Effect, donc voilà, c'est pas... Ça peut être... Voilà. On va dire que si on a apprécié... Parce que si on est très très fan, on a une grosse réaction. Si on a apprécié, qu'on se dit « Ah, j'en arrive, on peut se taper la demi-molle. » Oui, voilà. Voilà. Voilà. Alors après, on a eu, bon, Need for Speed... Au même niveau qu'un Just Dance. Même niveau qu'un Just Dance. Après, il y a eu l'annonce d'un DLC pour The Old Republic. Knights of the Fallen Empire. Bon. Ils veulent pas le lâcher, hein, The Old Republic. Ils veulent pas le lâcher. C'est-à-dire que. Les mecs, c'est même plus de la smoule hein, dans laquelle ils pédalent. C'est de la purée. Hein. Ouais, c'est ça. C'est. Ça a sa communauté. Mais. C'est assistance respiratoire. Exactement. C'est au bout d'un moment, on a envie de leur dire les mecs, faut le débrancher, il souffre, hein, le pauvre. C'est exactement ça. C'est atroce de dire ça, mais voilà. Au bout d'un moment, il souffre. Voilà, avec toute la tendresse que j'ai pour la communauté qui pourrait en pâtir de cet arrêt, mais. Enfin, l'arrêt, on va dire, quand je dis l'arrêt, c'est pas genre arrêter The Old Republic, ça y est, tu peux plus y jouer, mais peut-être pas injecter d'argent dedans, quoi. Plus en injecter voilà, autant, quoi. Bon. Après, bon, c'est un choix. Voilà, on va pas leur dire ce qui est. On peut que conseiller. C'est à eux que revient la décision. Mais bon. Après, pour rester sur Star Wars. Après, on va parler de, la suite Unravel. A été un jeu qui m'a énormément hypé, malgré le peu qu'on en ait vu. Un espèce de platformer avec le bonhomme fait en ficelle. Enfin, en fil de laine. Ça avait l'air super intéressant à jouer. Honnêtement, ça me dit rien. C'est vraiment un platformer. Je te file le trailer là tout de suite. Tu iras le voir après quand tu auras le temps. Ça roule. Je te le mets là, voilà, et puis tu iras voir ça. C'est magnifique, ça a l'air très intéressant à regarder. Après, on a eu Pelé qui est monté sur scène, qui a parlé de FIFA 16. Et ensuite, voilà. Qu'avons-nous eu C'était ultra long, c'était vraiment ultra long, c'était pas intéressant. Il y a eu une espèce d'interview, et on était là, genre, ça a commencé ultra fort. La conférence de d'Electronic Arts, parce que quand même, voilà, Mass Effect, Need for Speed, tout ça, ça balançait du pâté. Puis d'un coup, il y a eu FIFA et ça a fait genre. Pfff, l'ambiance est retombée, mais d'un coup. FIFA, en fait, on en est même plus au stade. Je mets sous réserve que j'ai peut-être pas un avis ultra objectif là-dessus. On n'est même plus au stade de Just Dance, quoi. On peut même plus dire, FIFA, c'est FIFA. Hein. C'est FIFA, quoi, putain, merde. Ouais, voilà, c'est ça. À part les fans de foot, personne n'aime FIFA, quoi. Non, allez, on va leur donner une image. On leur donne une image parce que, selon les dires, il y aurait l'entrée en matière des équipes féminines. Ah, c'est pas il y aurait, c'est il y aura. C'est sûr, il y aura. Certain. L'entrée voilà. En matière des Donc, équipes féminines. On leur donne un bon point, on leur donne un biscuit, on leur donne un sucre, une bonne image. Ah, c'est bien. Voilà. Voilà. Même si la plupart des fans sont cons, puisque directement, oui, mais FIFA c'est pour les mecs, machin, blablabla. À qui la faute? Le foot, je vais généraliser parce que j'ai pas envie de me mettre des gens à dos non plus, Voilà. mais le foot, c'est en général, pas tous, parce que je connais des fans de foot qui sont très bien, mais en général, c'est Beauflande, quoi. Oui, c'est bah, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est C'est un sport de enfin, gros beauf. allez, peut-être pas Beauflande parce que sinon, macho, c'est-à-dire voilà, c'est un sport de mec, le foot, c'est un sport de mec, c'est un sport de couilles. Bah non, non, vraiment, c'est vraiment Beauflande. Ouais, mais si on dit Beauflande, t'en as certains qui vont se dire, ouais, mais attends, moi j'aime le foot, je suis pas un beauf, ce qui est vrai, hein. Je Oui, dis mais pas qu'on voilà, peut les aimer. après, voilà, encore une fois, comme on dit, on généralise, mais effectivement, c'est très Très machiste. une grosse partie est très machiste, très beauf. Il suffit de Et voir, après, voilà, il y a le foot féminin, il y a des gens qui sont très bien, mais après, je dirais pas forcément machiste, parce que tu regardes le fameux inceste, truc comme ça, Bienvenue chez les Ch'tis, la fameuse banderole qu'avait pendant un match PSG Lille, Oui. où ils traitaient les nordistes d'incestueux, de pédophiles, de trucs comme ça. Tu fais, mais sérieux quoi? Ça, c'est ultra beauf, c'est même pas. Ah ben c'est beau. Bah, on va dire que l'univers du stade est pourri. Oui, voilà. L'univers du stade est pourri entre les hooligans, les racistes, les machins et... Voilà, on va dire que les amateurs de foot les plus... Voilà, qui n'ont rien à voir, ce sont généralement ceux qui regardent ça avec leurs potes, avec leur famille ou chez Mais encore, eux. même justement, ceux-là, des fois, sont très cons. Oui, mais c'est pour ça, je te dis, on va dire que tu retrouves, au niveau pourcentage, tu vas retrouver plus de gens bien qui aiment le foot et qui n'iront jamais au stade et qui vont regarder ça, ou qui auront très peu au stade, genre une fois pour leur équipe favorite, mais et encore, mais qui seront voilà, à partager ça avec des potes ou chez eux. Le pourcentage est plus fort de gens bien, de bouffe. Par contre, en stade, sur 1000 personnes, tu en as peut-être, allez, je vais être généreux, 50, les pauvres, ils se disent, mais qu'est-ce que je suis venu foutre là, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc oui, c'est un bon point parce mais ça, que ça soit dans un jeu de foot ou ailleurs, de rajouter l'image de la femme dans le jeu. Attention, hein, faut bien la gérer cette image-là, mais Oui. voilà, de rajouter une image féminine dans le jeu, c'est bien. Voilà, C'est bien parce que c'est pas non plus Ubisoft qui, ah bah désolé, on n'a pas mis des femmes dans le dernier Assassin's Creed parce que ça demandait trop de. oui, Comment. mais ouais, non, mais voilà, c'est après c'est t'as des excuses bidons, mais c'est bien parce que voilà, il y a des filles qui jouent aux jeux vidéo et c'est bien, toi, ça prouve qu'il y a un public enfin bisexe. Oui. Et c'est bien de le prendre en compte, ça veut dire que enfin t'as des meufs, la plupart des jeux c'est des images masculines, il y a des meufs qui jouent. En quoi, moi, ça me dérangerait pas de jouer une image féminine. Voilà, quand tu vois les MMO, quand tu vois tout ça, tu t'as le choix hein, quand même. Ouais, voilà, et puis bon, bah ça va rien changer quoi. C'est pas parce que c'est des femmes que directement vous allez avoir sur FIFA les. Ah, je me suis cassé un ongle, il faut que je sorte du match. Mais Ah non, bordel! non, les mecs, enfin, si c'est vraiment des amoureux du foot, dans ce cas-là, ils savent un petit peu ce que c'est que la, ce que c'est que le foot féminin. C'est pareil, c'est du foot, Mais voilà, c'est ça. c'est du Et ça foot. va rien changer. C'est tant mieux pour Electronic Arts qui va peut-être ouvrir son champ de vente de FIFA à un public féminin, à un public Exactement. de joueuses féminines, tu vois. Et c'est Exactement. bien, et c'est bien, et ça prouve que voilà, c'est bien. Ça, puis même, voilà, ça permet aussi de remettre les pendules à l'heure. À Allure, l'heure. ouais, exactement, ouais. Non, mais voilà, le foot, il y a les masculins, il y a le masculin et le féminin. Je comprends pas que c'était pas déjà été fait avant, quoi. C'est ça que je comprends pas ce qui est con, c'est que finalement, les jeux de foot donnaient l'impression que le foot, effectivement, c'était uniquement masculin. Je pense que c'est ça aussi qui est, comme il y a beaucoup de jeunes qui jouent, qui donne aussi un peu le sentiment que le foot c'est un truc de bonhomme, quoi. Truc de Voilà, c'est couille. ça. Bon. Mais Alors qu'il bon, y a le foot bref. féminin et que c'est très bien, voilà. Voilà. Même si j'aime pas le foot, voilà. Ah non, mais je veux pareil. Après, voilà. Là, moi, on a le jeu qui, pour moi, m'a vraiment intéressé dans cette conférence Electronic J'espère que Arts. c'est le même que moi. Mirror's Edge. Oui. Mirror's Edge Catalyst. Alors, c'est un jeu qui m'a intéressé. C'est un jeu auquel je ne jouerai pas. What? parce que j'ai le mal des transports. Ah oui. Ouais. Et que Mirror's Edge est un jeu qui est très nerveux, qui, comme on en parlait tout à l'heure, les Duke Nukem et tout ça, c'est très nerveux, tu bouges très vite, tu fais des grands mouvements, Et moi, ça me donne la nausée. Je peux pas. Ils ont rajouté, alors à la base, il n'y avait pas ça. Dans le premier Mirror's Edge, à la base, il n'y avait pas ça. Ils l'ont rajouté après, on se rend compte de plein de trucs. À la base, il y avait. Donc, dans le premier Mirror's Edge, il y a un petit point blanc au milieu de l'écran. En fait, il a été rajouté pour empêcher. Ah, je suis désolé. Il a été rajouté pour empêcher le mal des transports. Le fait de se concentrer sur le point, ça sortait complètement le cerveau de tout mouvement. Sauf que, non, pour moi, ça marche pas. Ça marche pas pour tout le monde, hein. C'est comme les petits bracelets dans la voiture, hein. Ça fonctionne pas tout le temps. Hein. Voilà, et du coup, le 2 sera pareil, je le sais, et je pourrais pas. Physiquement, je pourrais pas. Malgré ça, il sera super intéressant. Bah là, Je pareil, hein. pense. C'est un jeu, on peut quasiment dire, bah c'est Mirror Edge. Voilà, c'est ça. Et on finit avec celui qui, toi, avait l'air de t'intéresser, Star Wars Battlefront. Ah ouais, carrément. Je suis pas fan de Star Wars. Bah, c'est très sentimental en fait. Ouais. C'est très sentimental parce que ça a été vraiment le premier jeu, enfin, l'un des premiers jeux où je me suis déliré avec des potes. Ouais. C'est-à-dire que je ne suis pas spécialement un fan de la première heure de l'univers Star Wars. Je crois que j'ai jamais dû voir un film Star Wars en entier parce que je me suis très vite fait chier. Hein. C'est, voilà. Mais ouais, les Battlefront, c'est géant, quoi. C'est géant. C'est-à-dire que j'avais essayé d'en trouver ça avec parce qu'ils avaient fait un jeu Seigneur des Anneaux qui prenait le même état d'esprit. C'était l'âge des conquêtes, un truc comme ça. Et c'était vraiment du copier-coller Battlefront. C'est-à-dire c'était vraiment le même délire. Ouais, mais non. C'est-à-dire que, alors que pourtant, le Seigneur des Anneaux, je suis super fan. Enfin, j'adore l'univers, j'adore tout. Non. Et même avec des potes, bof, quoi. Alors que Battlefront, voilà, c'était génial. Et là, au vu des images qu'ils ont lâchées, c'est énorme. C'est énorme. Ça, honnêtement, voilà. Il a l'air d'être, voilà, plutôt beau. Plutôt riche au niveau de l'espace de la carte de jeu, voilà. Non, franchement, c'est et puis il a l'air d'être de rester un petit peu fidèle au 1 et au 2, au Battlefront 1 et 2, qui enfin, honnêtement, c'est l'éclat de ces jeux-là. J'ai jamais aimé, donc je peux Ah, pas. je me suis déliré, c'est-à-dire qu'avec les potes, aussi bien que quand j'ai eu l'occasion d'y jouer tout seul, moi, je me suis voilà, tout seul, je me suis moins éclaté qu'avec des potes, mais j'ai enfin, voilà, c'est. Je pense que voilà, c'est très sentimental. C'est-à-dire que vraiment, ça m'a plu parce que je trouve beau, parce que je trouve intéressant au niveau de son système de jeu. Mais vraiment, c'est le côté sentimental, quoi. C'est me dire, yes, il y en a un nouveau qui arrive. Ah, putain, je suis comme un fou, quoi. Je Donc. comprends un peu. Je comprends un peu. Et puis, pour suivre tes conseils, moi je propose qu'on s'arrête là. Oui. Je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On va leur faire des bisous. Et donc, à la semaine prochaine, du coup. Désolé, on n'a pas le temps, hein. On prend beaucoup de temps, mais voilà, on essaie de Bah, en même d'être. temps, voilà, on est des vrais journalistes, nous. On essaie d'être complet sur le sujet, sur Ça le veut dire sujet. que, hein, bon, ok, mis à part Just Cause et autres, on essaye de faire notre boulot. Et Voilà. de, voilà, de vous emporter avec nous dans ce. De rendre ça vivant, ludique et tout ça. Et donc, du coup, comme on est des impulsifs, des émotifs, nous, tu vois, on est des dieux donnés. Oui, des dieux donnés, oui, Des dieux carrément. donnés. Oui, on est des dieux donnés parce que nous, on est comme ça, nous. Hein? S'il le fallait, on ferait des vidéos sur Internet pour dire à quel point merde. Voilà, Voilà. exactement, merde. C'était pas Dieu donné que je voulais dire, c'était merde. Je sais plus, mais bon, on se comprend. De par Dieu, voilà, des deux par Dieu. Voilà, C'est parce donc que ça ouais. se ressemble. Donc la semaine prochaine, on va parler de la conf Sony, la conf Square Enix, la conf Nintendo, et puis la conf le PC Gaming Show. Of Voilà. course. Mais voilà, on essaie d'être un peu vraiment complet sur ce qu'on raconte. Donc on prend notre temps et voilà. On veut vous expliquer pour les gens qui n'ont pas suivi le 3 et qui sont un peu intéressés par les jeux. Voilà, on veut vraiment vous donner envie, comme nous on a eu envie en regardant cette 3, d'acheter certains jeux et d'en éviter d'autres. C'est ça, puis il y en a peut-être certains qui n'ont pas eu le temps, l'occasion de suivre le truc et qui ont peut-être vaguement eu des retours par la suite et voilà, qui voudraient en savoir un peu Voilà, plus. c'est ça. Donc du coup, Ça. on peut aussi vous inviter. Donc voilà, la semaine prochaine, du coup, ça sera la suite. Donc libre à vous de venir ou de ne pas venir. Voilà, libre à vous de venir ou de ne pas venir pour une L'idéal, fois. ça serait que vous veniez parce que sinon, après nous, l'émission s'arrête. Oui, voilà, oui, bah oui, non mais sinon on aura l'air con, mais Donc voilà, ailleurs vous faites genre, vous venez, vous mettez, vous allumez votre radio, enfin, voilà, branchez le PC, tout ça, puis vous éteignez le son, on s'en fout. On s'en Et fout. voilà. Bah sur ce, on vous fait des bisous. Plein de bisous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour. Je vous retrouve moi la semaine prochaine. Toi, il te retrouve là, tout Et moi, de il me suite. retrouve juste après, là, tout de suite, pour un bien retour au CP. Sauf Exactement. si, comme d'habitude, je suis malade, mais ou j'ai la flemme, ou je dors, ou peu importe. Mais si je dors, il n'y aura pas ce podcast-là, donc vous aurez l'air con. Mais. Oui, bah oui. Donc s'ils l'entendent, ça veut dire que normalement, tu arrives après. Voilà, si vous m'entendez, c'est que j'arrive juste après. À moins que sur le chat je vous dise au contraire, mais voilà. Donc je vous fais des bisous et puis on se retrouve bah, pour moi juste après et pour YOLO Records la semaine prochaine. Voilà. Tchuss tout le monde. Bye bye les gens!